de City sur Fadjet. La musique de toutes les cultures. Présentée par Jérôme. Bien le bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque semaine pour un épisode inédit de Music and the City et ainsi passer une demi-heure ensemble avec des artistes de tout horizon. Et ce soir, la programmation a été sélectionnée par mes soins avec passion. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez ou redécouvrirez un groupe allemand, un latino bien sexy qui va vous faire danser comme il sait le faire, et une reprise très moderne de Samba de Janeiro. Oui, vous l'aurez compris, comme à l'accoutumée, on va remuer du bassin. Et on va commencer avec un courant musical qui a très rapidement disparu, et je pense qu'on peut comprendre pourquoi, la tectonique. Oui, un mouvement très populaire entre 2007 et 2008 qui a inspiré pas mal d'artistes à proposer des remixes de leurs tubes à l'époque. C'était le cas avec Yael et sa reprise d'À cause les garçons. Vous vous souvenez? Allez, façon tectonique, on y va. Music and the City sur Fadjet. Attention messieurs à la sexualité controversée, le latino le plus sexy du monde de la musique va débarquer. Désolé mesdames, il ne joue pas dans votre catégorie. Ricky Martin, la star des années 90, continue son petit bonhomme de chemin en proposant régulièrement des albums. Oui. Oui. Si en France son dernier tube remonte à 2006 avec It's Alright, en featuring avec un certain M. Pokora, il continue pour autant de remplir des salles de spectacle un peu partout dans le monde. Oui. Oui. Autant dire que la France le boude. Voilà, je vais en venir là. Du coup, on n'a jamais entendu, ou presque, ses dernières chansons. À commencer par le titre Come With Me. Alors fini le sex appeal latino, là c'est de la place à l'électronique pour surfer sur la vague. On va dire que ça lui va très bien, vous allez voir, vous allez danser, mais différemment. I can tell that you're a sinner. Music and the City sur Fadjet. Si je vous dis Wine Up, vous me répondrez quoi exactement ? Enfin, qui ? Bah, c'est bien ça, c'est Kate De Luna. Un tube planétaire en 2005 qui a propulsé l'artiste sur le devant de la scène. Et après un premier album au succès plus que correct, hein, avouons-le, difficile pour la jeune artiste de réitérer ses chiffres. On l'a un peu perdu de vue depuis une dizaine d'années, et pourtant elle continue à travailler sur des morceaux originaux. Enfin, originaux, tout est relatif. Disons qu'elle essaye, et qu'elle s'applique vraiment à proposer de bons morceaux, mais le public n'a pas l'air réceptif. Je pense surtout à un single en particulier, qui avait vraiment tout d'un grand, mais qui a complètement crevé dans l'œuf en 2012, pas d'autres termes, avec une reprise du sample de la chanson Samba de Janeiro, ce tube de malade des années 90, je suis sûr que vous l'avez déjà tous en tête. Ça s'appelait Wanna See You Dance, et ça nous fait vibrer vraiment par ce sample latino qu'on connaît bien, sur un texte original, et assez bien calibré quand même. Ça n'a pas marché, malheureusement. Mais c'est pas pour autant qu'on doit l'enterrer ce titre. On va lui redonner un petit coup de souffle là tout de suite sur Fadjet. Les artistes oubliés reviennent dans Music and the City. Les années 2000 ont été des années de musique assez rebelles. On avait Avril Lavigne, Evanescence, Tokyo Hotel. Bah tiens, en parlant de Tokyo Hotel, je vous avais présenté Jack Stracey, le leader des Cinémas Bizarres, il y a quelques émissions, mais je vous ai jamais parlé du groupe, en fait, je crois, des Cinémas Bizarres. Ouais, je vais rectifier ce malaise tout de suite, alors. Qui sont les Cinémas Bizarres ? Ce sont 5 garçons au look très androgyne qui se sont rencontrés lors d'une conférence manga en Allemagne au début des années 2000. Un point commun pour la musique va les réunir, ils décident de monter un groupe de musique. Le premier album sortira très rapidement, d'ailleurs, en 2007, et s'intitule Final Attraction. Une sonorité qui les compare très régulièrement avec les Tokyo Hotel, puisque ça ressemble quand même, c'est du rock allemand. Mais attention, une particularité quand même pour les Cinémas Bizarres, ils ne chantent qu'en anglais. Stratégie pour atteindre le marché international. Et qui fonctionne, puisqu'ils sont engagés en 2008 pour faire les premières parties des concerts de Lady Gaga aux États-Unis, alors qu'elle commence tout juste à être connue mondialement. Ils vont également rencontrer Space Cowboy, un musicien français qui a travaillé avec la Gaga sur son premier album, et qui va aussi travailler avec le groupe pour préparer leur second album, Toys, qui sortira en 2009. Et de cette collaboration, un single, I Came to Party, où le groupe ne joue plus sur le côté rock, mais sur un mélange des genres, avec d'un côté le rock et d'un côté la musique électronique. Et ça marche du feu de Dieu, croyez-moi. I Came to Party des Cinémas Bizarres en featuring avec Space Cowboy, c'est tout de suite maintenant, et c'est mon coup de cœur de la semaine, voire même de l'année, voire même de la décennie, voire même de tout. I can't party, you can't party, so why don't we party together? I can't party, you can't party, so why don't we party together? I can't party, you can't party. no going back. 19h30, 20h, Music and the City. Évadez-vous vers d'autres horizons musicaux sur Fadjet avec Jérôme. Si je vous parlais un peu de Benny Benassi, c'était le DJ des années 2000. Si on a écouté et chanté jusqu'à plus soif ses tubes Satisfaction, Illusion ou encore It's My Heart, force est de constater qu'il est relativement plus discret depuis quelques années. Je devrais même parler des frangins Benassi, qui ont pourtant travaillé sur pas mal de remixes officiels pour de grands artistes depuis presque 20 ans. Et c'est surtout un titre qu'on retiendra ce soir et que je retiendrai pour vous, Celebration de Madonna. Est-ce que vous vous souvenez de cette chanson qui est disponible sur la compilation du même nom sortie en 2009 et dont la version originale sera très très vite balayée des radios pour laisser place justement au remix des Benassi Bros comme single officiel. Faut dire que ça bouge bien, on s'est pas foutu de nous et on reconnaît quand même la patte de la Madone. Bim bim bim, 5 bonnes minutes de remix en cadeau pour vous pour terminer cette semaine de musique en beauté. Celebration, body, just Music in the City sur Fadjet. Et nous avons donc terminé en beauté cette semaine de musique. Je me suis pas foutu de vous. Bon, on se retrouve la semaine prochaine, comme chaque semaine, 19h30-20h, le lundi, sur les ondes de Fadjet, mais également sur le Facebook, Fadjet-Music&City. Ça sent quand même l'été qui arrive, hein. Je sais pas pour vous, mais je vous prépare quand même quelque chose de très spécial pour la semaine prochaine, je vous en dis pas plus. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, surtout écoutez de la musique, je vous embrasse très fort et à la semaine prochaine. Ciao, ciao!